ce que j'ai toujours été. Je reviens à pied, reviens en février. Maintenant je reviens, ce pourquoi je suis fait. Je reviens chanter, est-ce bien un métier? Je reviens de tout ce qui n'est pas moi. Non, ce n'était pas moi. Je reviens vers vous et je n'en reviens pas d'être toujours là. Maintenant je reviens, ce que j'ai toujours été. Je reviens mouillé et même un peu ridé. Maintenant je reviens à ce pourquoi je suis fait. Je reviens te chercher, je reviens chanter. Je reviens de tout ce qui n'est pas moi. Non, ce n'était pas moi. Je reviens vers vous et je n'en reviens pas. Je reviens vers toi, je reviens te chercher.